gueule. Chut, mais t'es mal à vache, t'es mal à vache. T'es de ma mère. Mais ta gueule avec ta vache, toi. Arrêtez. Vas-y, viens, reviens, et... appelez les cheveux. Hey, attends, j'ai vu la vache là, elle était là, putain, la même. Mais c'est toi la vache. C'était ma mère, elle était là la vache, putain, je t'ai. Arrête, tu ne crois pas. We'll be right back. les cheveux. Attends, j'ai vu la vache, là, elle était là, putain. C'est moi la vache, elle était là, la vache.